Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le printemps de Prague de 1968. Je crois que nous sommes le premier, peut-être le seul pays socialiste qui a les meilleures conditions pour créer une société socialiste d'un nouveau type, avec la liberté, avec la dignité humaine individuelle, une démocratie socialiste qui, si notre expérience alors a un succès, je crois, pourrait être d'une importance qui va au-delà des frontières tchécoslovaques. Vladimír Tosek, il est commentateur à la télévision tchèque et au moment où il accorde cette entrevue, le 1er août 1968, tous les espoirs sont encore permis dans cette Tchécoslovaquie où souffle un fort vent de liberté depuis l'arrivée aux commandes d'Alexandre Dubček en janvier 1968. Mais quand les chars soviétiques entrent dans Prague et dans les autres villes du pays, dans la nuit du 20 au 21 août 1968, c'est la fin de cette douce période d'euphorie qu'on a si joliment appelée le printemps de Prague. Tchécoslovaquie. Vous entendez nos émissions en langue étrangère de Radio Prague Libre, diffusées sans interruption dans les bandes ondes courtes de 48 à 51 mai. Nous répétons dans les bandes ondes courtes de 48 à 51 mai. Ces émissions sont diffusées en français, anglais, allemand, italien, tchèque et russe. Elles donnent des informations objectives sur la situation en Tchécoslovaquie occupée. Malgré les obstacles qui s'accumulent, nous poursuivrons pour vous mettre en Radio Prague Libre autant que nous pouvons. Ici, Prague Libre, Tchécoslovaquie. Entre le 21 et le 26 août 1968, des messages comme celui que vous venez d'entendre sont diffusés à travers le monde par cette radio, Radio Prague Libre, une radio clandestine qui tente de témoigner au quotidien de cette invasion soviétique de la Tchécoslovaquie pour nous rappeler cette invasion, l'espoir qu'a vécu le peuple tchécoslovaque avant que les chars russes n'arrivent en Tchécoslovaquie au mois d'août 68. Je reçois l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Le printemps de Prague, ce qui précède donc l'invasion des Russes, des Soviétiques. Ce printemps de Prague, ça reste aujourd'hui encore, André, un des événements marquants dans l'histoire du 20e siècle. Ça a été court, pourtant ça a été éphémère. Pourquoi cet éphémère printemps de Prague occupe une telle place encore aujourd'hui dans nos mémoires? L'espoir qu'il a suscité, qu'il était pensable, qu'il était possible de construire, comme l'équipe de Dubček le disait, un socialisme, un visage humain. Ouais. Pour vous donner une idée de la place que ça occupe dans l'histoire du 20e siècle, Mikhaïl Gorbatchev, quand des journalistes étrangers lui demandaient quelle est la différence entre les réformes que vous avez entreprises depuis 1986-87 et le printemps de Prague, il a dit 19 ans. C'est ça la différence. Incroyable. Autrement dit, ça anticipait ce que Gorbatchev a essayé de faire. Ouais, le premier pas vers ce qui suivra. Exactement, exactement. C'est ça l'importance. Et aussi, l'enthousiasme que ça a suscité en Occident puis dans le monde, d'autant plus qu'à l'année 1968, vous savez que c'est une année qui est extrêmement chargée d'histoire. Il y a eu mai 68, mais il y a eu le mouvement des étudiants allemands en avril 1968. Il y a l'occupation de certains campus aux États-Unis. Il y aura la révolte des étudiants mexicains à l'été puis à l'automne de 1968. Donc, c'est une année qui est chargée d'histoire. Et le printemps de Prague s'inscrit dans cette année puis dans cette mouvance. On y a cru, en fait. Le monde entier, les Tchèques, mais les Tchécoslovaques, mais le monde entier y a cru. Parce qu'on y était. Exactement. Ouais. Mais malheureusement, l'histoire va montrer qu'on n'est pas encore... Il faudra 19 ans avant d'y arriver à cette grande libération du bloc de l'Est. Ça commence Ça commence au début de l'année 68, au fond, ce printemps de Prague, cette période d'espoir, quand Dubček, Alexandre Dubček prend les commandes de la Tchécoslovaquie. Un mot d'abord pour nous dire qui il est, Alexandre Dubček. C'est un communiste slovaque. Il est né en 1921, mais à l'âge de 4 ans, son père, qui était charpentier, décide d'aller s'installer en URSS. Pourquoi? Parce qu'il est communiste et il craint l'arrestation, il craint de se retrouver en prison. Alors, il va jusqu'à l'âge de 14 ans, il vivra en URSS, il va parler couramment le russe. Et en 1955, il retourne en Tchécoslovaquie en 38, il va résister à l'occupation nazie. En 1955, il va étudier à Moscou pour faire une formation pour devenir un vrai communiste. Et puis, début des années 60, il est nommé secrétaire du Parti communiste slovaque. Et en janvier 1968, quand le camarade Novotny démit de ses fonctions, celui qui était secrétaire général du PC tchèque depuis 1953, il est nommé. Pourquoi? Parce qu'à Moscou, on croit que Dubček, c'est un bon camarade. C'est un communiste pur et dur, comme on les aime à Moscou. Ouais, mais évidemment, ce sera plutôt un réformateur qui va inquiéter énormément ce pouvoir communiste à Moscou. Comment il se retrouve en janvier 68 aux commandes de la Tchécoslovaquie? Parce qu'on a évincé Novotny et aussi on croit que lui, il va suivre la ligne de Moscou. Puis ça gronde en 67. Oui, pourquoi? Parce que depuis juin 1967, au congrès des écrivains tchèques, on a contesté ouvertement la gestion du pays. Pourquoi? Parce que le pays est en crise économique depuis le début des années 60. La censure est extrêmement sévère. La pensée est étouffée. Et aussi, à l'automne de 1967, les étudiants sur les différents campus du pays s'insurgent, se révoltent et demandent des réformes. Et on réalise qu'il est temps de changer la direction. D'autant plus que Novotny avait ceci de particulier, c'est que Novotny avait été placé à la direction de la Tchécoslovaquie en 1953 par Khrouchtchev. Et comme Khrouchtchev a été limogé en 64, évidemment, c'était pour Moscou, c'était un homme qu'il fallait tout simplement écarter. Et étant donné que Dubček avait grandi en Russie, mm-hmm. qu'il avait étudié pendant 3 ans au milieu des années 50 en Russie, donc on croyait que c'était l'homme qu'il fallait, ouais. D'autant plus qu'il était jeune. Il était jeune à ce moment-là, il avait 47 ans. Alors, on croyait qu'il pouvait justement incarner un certain renouveau, ouais. Tout en ne faisant rien. Mais justement, le renouveau, ce sera plutôt un vrai, et pour Moscou, un redoutable renouveau, parce qu'il mettra des réformes en place très, très vite après être aux commandes de la Tchécoslovaquie à partir de janvier 68. Qu'est-ce qu'il met en place comme réforme, André Champagne? Ben, la principale réforme, c'est très simple, c'est la liberté de presse et l'abolition de la censure. Ouais. L'abolition de la censure dans les journaux, à la radio, à la télévision. Et le problème, c'est qu'aux yeux de Moscou et aux yeux des pays du Bloc de l'Est, plus particulièrement de l'Allemagne de l'Est, de la Bulgarie et de la Hongrie, l'idée de parler d'un socialisme à visage humain, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que si Dubček dit que son projet, c'est de construire un socialisme à visage humain, ça laisse entendre que le socialisme n'est pas humain. Donc, c'est une remise en question. Et on extrapole un peu, et à Moscou, et à Berlin-Est, et dans les capitales des pays de l'Est, on extrapole, on se dit, on commence par la liberté d'expression, on commence par l'abolition de la censure, et ça mène tout droit vers quoi? Vers le pluripartisme. Et ça, c'est impensable. Ouais. Pourquoi? Parce que les régimes communistes sont des régimes de parti unique. Puis en plus de cette fin de la censure, de cette presse libre que va vivre la Tchécoslovaquie pendant quelques mois sous Dubček, il y a d'autres libéralisations. Économiquement, il libéralise un peu le mouvement. Les Tchèques peuvent sortir, peuvent voyager. Oui. Ça aussi, c'est nouveau. Bref, c'est l'euphorie dans les rues de Prague et de la Tchécoslovaquie au printemps 68 avec le début de ces réformes depuis janvier de Dubček. On écoute le journaliste franco-hongrois Gabriel Farkas témoigner de ce qu'il a vu à Prague au micro de Martine de Barcy à l'émission Présent le 13 mars 68. Farkas revient tout juste d'un voyage en Tchécoslovaquie et il donne cette entrevue dans les studios de Paris. On peut difficilement imaginer, quand on est à Paris, quand on est ici installé dans ce studio, l'effervescence extraordinaire qui règne actuellement en Tchécoslovaquie. Avant d'arriver à Prague, je ne pensais pas trouver ce que j'ai trouvé là-bas. J'ai vu, après mon arrivée, quelques minutes après mon arrivée, j'ai vu un diplomate français. Et il m'a dit ceci. Mais, monsieur, maintenant, il faut lire les journaux. On dit tout dans les journaux depuis quelques jours. il faut voir, il faut écouter la radio, il faut regarder la télévision. Savez-vous que la télévision de Prague est plus libre que l'ORTF? J'ai pensé que c'est qu'il exagère. Mais après, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, a confirmé l'affirmation de ce diplomate. J'ai demandé à Prague, à un jeune militant communiste tchécoslovaque, jeune, il a 38 ans, je lui ai posé la question suivante. Mais vous, vous avez 38 ans, vous avez eu 18 quand le Parti communiste est arrivé au pouvoir. Vous n'avez jamais connu autre chose. Vous n'avez jamais connu la liberté occidentale. Comment avez-vous découvert cette liberté? Comment avez-vous éprouvé le besoin de cette liberté? Et il m'a donné cette réponse qui va loin. Monsieur, finalement, la liberté est une chose innée à l'homme. Ah, c'est extraordinaire pour les Tchèques, pour les Pragois, ce qui se passe à ce moment. Décrivez-nous ce climat d'euphorie en 1968, printemps. Mais c'est l'euphorie, pourquoi? Parce que depuis 1948, depuis que la Tchécoslovaquie est devenue un pays communiste, un pays socialiste, la première chose qu'on a fait, c'est de supprimer la liberté. C'est de prendre le contrôle d'information, prendre le contrôle des journaux, prendre le contrôle de la radio. Et à partir du moment où on libère la parole, tout devient possible. Vous l'avez dit tantôt, on ouvre les frontières, les Tchèques peuvent sortir du pays. On parle de libéraliser l'économie. Le gouvernement essaie de contracter des emprunts sur le marché financier ouest-allemand. L'Allemagne de l'Ouest est prête à financer des entreprises tchécoslovaques. On remet en question l'idée du plan quinquennal, l'idée de l'appartenance au bloc soviétique. Mais pour les jeunes, c'est ce qui se passe en Tchécoslovaquie, s'inscrit dans tout le contexte, justement, d'euphorie qui règne en Europe puis dans le monde depuis. Donc, on croit vraiment que les changements sont possibles. Pourquoi? Parce qu'on se dit à Prague et dans les autres, surtout chez les jeunes, chez les universitaires, on se dit que ce mouvement-là va être appuyé par tout le mouvement de contestation qui se déroule actuellement sur l'ensemble de la planète. Est-ce qu'il y a d'autres pays du bloc de l'Est? Parce que Moscou commence à s'inquiéter passablement. Est-ce qu'il y a des appuis? Est-ce qu'il y a des pays du bloc de l'Est qui sont d'accord avec ces réformes? Oui, la Roumanie et la Yougoslavie appuient, mais n'appuie pas l'idée de libérer la parole, n'appuie pas l'abolition de la censure. Mais les relations se sont détériorées entre Ceausescu, la Roumanie, et Moscou, puis le bloc de l'Est. Pourquoi? Parce que depuis 1962, Ceausescu a négocié des prêts auprès des banques ouest-allemandes. Et aussi, il remet en question, justement, certaines décisions de l'URSS, alors que la Yougoslavie, elle fait bande à part depuis 1948, depuis la rupture entre Tito et Staline. Donc, c'est pas étonnant. Mais si je regarde l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se produit. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si on abolit la censure... C'est le début. C'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des voix... on peut entendre des voix qui exigent la même chose dans ces pays-là. Et ça, c'est inacceptable. Pour Moscou, c'est inacceptable. Ouais. Et une des premières rencontres qu'il y a entre Brejnev et Dubček au mois d'avril, Brejnev dit à Dubček, êtes-vous sûr que vous voulez rester dans le camp socialiste? Oui. Pourquoi? Parce que une des premières choses que Lénine a mis en œuvre dès 1918, c'est le contrôle de l'information. Oui. C'est la censure. Et Dubček, en fait, il se souvient de... Donc, il y a ces réformes qu'il met en place qui inquiètent Moscou, qui inquiètent les pays du bloc de l'Est dont vous venez de nous parler, mais il est quand même fin stratège. C'est pas un excité. Il sait ce qui s'est passé en 1956 en Hongrie. Il s'en souvient. Donc, il y a une différence quand même. Il est plutôt prudent, malgré tout. Il est extrêmement prudent. Pourquoi? Parce qu'en Hongrie, en 1956, Imre Nagy, le secrétaire général du Parti communiste hongrois qui va être écarté après l'invasion soviétique, lui, il avait tout simplement décidé de restaurer le pluripartisme, donc de restaurer des élections libres. Et il avait également, ça c'était l'erreur à ne pas faire, il avait sorti la Hongrie du pacte de Varsovie. Et conséquemment, à Moscou, on voyait ça comme un geste posé en direction de l'OTAN, en direction des États-Unis. Et aussi, ce qu'il faut voir également, c'est ce qui inquiète particulièrement les Soviétiques et les Allemands de l'Est, c'est l'idée que la Tchécoslovaquie fait partie de ce qu'on appelle le triangle de fer. C'est à partir de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est que toute la stratégie soviétique contre l'OTAN, c'est autour de ce triangle-là qu'elle est articulée. Oui. Et si la Tchécoslovaquie sort du camp socialiste, donc ça compromet toute la stratégie. Et aussi, Et si les frontières sont ouvertes entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest, là, on crée un exode de population. La preuve, c'est ce qui va se produire au printemps puis à l'été de 1989. Oui. Donc, on anticipe ça quand déjà. Quand le mur tombe. Ouais, voilà. Ce qui fait que, donc, tout ça, ces différents éléments qui sont vraiment vus comme une menace très forte par Moscou et par les pays du Bloc de l'Est, ça va conduire à cette invasion de la Tchécoslovaquie qui, dans la nuit du 20 au 21 août 1968, on écoute Gérald Godin, qui va devenir plus tard politicien, mais qui, à l'époque, est recherchiste à Radio-Canada, et il est à Vienne à ce moment-là. Il va vite se déplacer quand il voit ce qui se passe en Tchécoslovaquie. Il va se déplacer à la frontière tchèque-autriche, et il va interviewer des gens qui fuient des ressortissants étrangers, qui viennent de quitter Bratislava dans la nuit du 20 au 21 août 1968. Extrait de l'émission aujourd'hui. Vers 3 heures du matin, un Yougoslave à qui nous avons parlé a entendu arriver les chars. Et au petit matin, donc, tout le dispositif était en place. Les soldats, les chars, les pavés des rues étaient amoncelés de façon à bloquer les rues. Et les touristes me disaient, par exemple, qu'ils avaient dû passer dans quelques endroits sur les trottoirs pour arriver au poste frontière. On nous a dit avoir vu des gens lancer des projectiles sur les chars d'assaut dans les rues et les soldats ripostés à la mitraillette. On nous a dit aussi que les Tchécoslovaques étaient tous à la porte, faisaient des queues interminables à la porte des magasins d'alimentation afin de faire des réserves de nourriture. La radio tchèque et les journaux tchèques, dont nous avons copié ici, remises par une touriste française, appellent la population au calme. Alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule, André Champagne, cette opération d'invasion dans la nuit du 20 au 21 août 68? Bien, dans un premier temps, des avions militaires soviétiques investissent le principal aéroport de Prague. Et étant donné que la Tchécoslovaquie a des frontières communes avec ses voisins socialistes, et que se sont déroulées des manœuvres militaires du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie pendant 3 semaines, en juillet et août, les tanks s'étaient retirés, mais ils étaient assez près de la frontière. Donc, ils investissent assez rapidement le pays. Écoutez, on parle de 400 à 500 000 soldats. Certains observateurs parlent de 4 500 tanks, d'autres disent 7 000. Ce qu'on sait, c'est que le pays est totalement occupé en l'espace de 24 heures. Les images d'époque nous font voir, mais des colonnes et des colonnes entières de tanks, de camions militaires. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a dit aux soldats soviétiques, parce que ce sont principalement des soldats soviétiques qui participent à l'opération. Oui, il y a des militaires est-allemands, hongrois, bulgares et polonais, oui. Mais ce sont principalement des soviétiques. Et eux, ce sont des soldats, des jeunes soldats, à qui on a dit, vous allez libérer le peuple tchécoslovaque qui est menacé par une contre-révolution ourdie par des intérêts germano-américains. Et étant donné que beaucoup, beaucoup de Tchèques et de Slovaques parlent russe, bon, ces jeunes-là vont vers les soldats soviétiques et leur disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous nous envahissez, on ne vous a pas demandé. Et les soldats russes disent, mais non, nous venons vous libérer. Le gouvernement d'Oubchek recommande à la population de ne pas résister militairement, mais ce qu'on fait, c'est de la résistance passive. Sur l'ensemble du pays, on va arracher tous les panneaux indicateurs. Ouais. Le seul panneau indicateur qu'on va laisser rues, en place, c'est le nom de rue, mais c'est vous êtes à 2000 km de Moscou. Mais tout est arraché et puis dans cette forme de résistance passive-là, on donne des mauvaises indications aux militaires soviétiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant une semaine, des radio-émetteurs vraiment clandestins, ce qu'on entendait au début, vont continuer à émettre et à donner des directives à la population. Et ce qui est intéressant, c'est que le 21 au matin, Dubček, Smorkovski, qui est le président du Parlement, Svoboda, qui lui va se rendre à Moscou le 23, et puis Tchernik, sont tout simplement arrêtés par les militaires soviétiques. Ils sont transportés en avion à Moscou. Ouais. Ils sont emprisonnés. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en principe, le 21 au matin, il devait y avoir une réunion du comité central du parti du Parti communiste tchécoslovaque. Et là, il devait y avoir une espèce de révolte contre l'équipe d'Ouček. Mm-hmm. Le problème, c'est que trois des camarades, membres du comité central, ne se sont pas présentés. Donc, cette opération-là n'a pas eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les Soviétiques croyaient qu'on pourrait facilement donc écarter Dubček du pouvoir, qu'on pourrait le remplacer par le camarade Alois Imbra, qui lui allait tout simplement dire à la population le comité central a invité les troupes du pacte de Varsovie pour vraiment renverser le mouvement de réforme qu'avait mis en pratique le camarade Dubček. Mais cette opération-là ne réussit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les Soviétiques, le Brejnev va énoncer, lui, pour justifier l'opération, la doctrine de la souveraineté limitée. Ouais. Les Russes s'approprient le droit d'intervenir militairement dans n'importe quel pays socialiste si le mouvement socialiste international est menacé. Concrètement, Dubček va donc à terme être écarté. Les conséquences à court, moyen, long terme pour la Tchécoslovaquie? Si Dubček est écarté en avril 1969, il est remplacé par le camarade Gustav Husák. Une espèce de chape de plomb tombe sur la Tchécoslovaquie. Il y a 70 000 de ces ressortissants qui vont prendre le chemin de l'exil, dont Milan Kundera. Et on va rétablir la censure. On va chasser systématiquement tous les partisans du printemps de Prague. Et jusqu'à 1988, ce pays-là va vraiment, jusqu'à 1988-89, ce pays-là va devenir un pays on ne peut plus rigide, on ne peut plus vraiment... soumis à Moscou, mais fait étonnant, ce sont principalement des intellectuels tchèques qui vont lancer la fameuse charte 77, qui va être une espèce de première forme de contestation du mouvement communiste international. Mais le pays est vraiment redevenu un pays terne, gris, comme l'étaient les pays du bloc de l'Est. La fatalité qui tombe. C'est-à-dire que le socialisme est redevenu inhumain. Ouais. André Champagne, historien, habitué de l'émission, merci beaucoup, André. Je vous en prie. Et ce qui est fascinant aussi dans cette histoire, on le disait au tout début de l'émission, c'est que ça reste aujourd'hui encore un des événements qu'on retient dans la grande histoire du 20e siècle. Et il y aura, puis on termine l'émission en écoutant cette chanson, il y aura une chanson, La prière pour Martha, qui est écrite en 68 et qui va devenir une espèce d'hymne officieux de la République tchèque, encore aujourd'hui, chantée à l'époque par une idole de la variété, Martha Kubizova. Merci encore, André Champagne. Merci également à toute l'équipe. Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, Caroline Morin et André Martineau à la recherche, Mario Bolduc à la recherche d'archives, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique Pierre Dulon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine. С том то крайно Злоба, зависть, страх, асвар Ти ать помино Ать уж помино Теть гришь два Modlitba má tak promlouvá srdcím tě.